France Info fait sa rentrée scolaire en direct d'Angers. Retour au collège David d'Angers avec vous Mathilde Munoz. Oui, France Info a monté un studio dans l'ancienne salle des profs de ce collège-lycée David d'Angers. Nous sommes toujours avec Emmanuel David-Henkoff, spécialiste éducation France Info. Dans ce nouveau quart d'heure, nous allons discuter du recrutement des enseignants. Y a-t-il une crise ? Le ministre Vincent Payon dit qu'il n'y a pas de crise des vocations. Il joue sur les mots, Emmanuel. D'abord, il décrit quand même un certain nombre de faits. Il y a 80 000 adultes en moins dans les établissements scolaires qu'il y a 10 ans et des concours qui effectivement attirent moins. Et non seulement ils attirent moins, mais tous les postes ne sont pas pourvus. L'an passé, 4 848 postes ouverts dans le secondaire pour un total de 4 142 reçus. Ça fait quand même près de 15% des postes à pourvoir qui ne l'ont pas été, avec des disciplines phares victimes de cette désaffection, les mathématiques, l'anglais, donc on parle vraiment de disciplines qui sont pratiquées par tous les élèves, et les lettres classiques, tout le monde fait du français, même si tous les professeurs ne sont pas recrutés sur les lettres classiques qui sont la filière héritière du latin grec d'antan. Donc, il décrit à l'évidence un fait. Les explications, elles sont multiples. Il y a eu cette fameuse réforme dite de la masterisation, qui est un mot un peu barbare, qui veut dire une chose très simple. Désormais, il faut bac plus 5 pour se présenter au concours d'enseignement. Il y a moins de bac plus 5 en France que de bac plus 3. Donc, même si auparavant, très souvent, ceux qui réussissaient le concours avaient au moins un bac plus 4. C'est vrai qu'on a quand même un petit peu rétréci ce vivier. Vous avez également des messages qui ont été perçus négativement par les jeunes, notamment la quasi-suppression de la formation initiale des enseignants. On l'entendait il y a un quart d'heure sur ce plateau avec ce jeune enseignant qui a eu une demi-journée avant de prendre sa première classe. C'est quand même pas énorme. Et ça, forcément, les jeunes l'entendent. Et comme dans le même temps, ils entendent notamment de la part des ministres de l'Éducation nationale ces dernières années un discours sur les enseignants qui ont du mal ou qui font pas tout à fait bien leur travail. L'école, ça va pas. En primaire, on sait pas apprendre à lire aux enfants. Et puis, à 15 ans, on est moins bon que les autres dans les évaluations internationales. C'est une sorte de bruit de fond comme ça, qui est pas un bruit de fond extrêmement enthousiasmant. Alors, est-ce qu'on est face à une crise des vocations ou face à une crise du recrutement ? L'avenir le dira. Ce qu'on peut dire, en revanche, à la lecture du passé, c'est que si c'est une crise du recrutement, c'est réversible. Il y a un précédent. 2000, arrivée de Jack Lang au ministère de l'Éducation nationale, après le ministère Allègre, qui a été un ministère très très dur et qui a été un ministère de gel de l'emploi public. Lang arrive avec, dans sa besace, un plan pluriannuel de recrutement des enseignants. Grande campagne de publicité à la radio, à la télé, slogan marquant « Professeur, et si l'avenir c'était vous ?» Ça marche, c'est-à-dire que le nombre de candidats repart à la hausse. 2002, la gauche quitte le pouvoir, les promesses du plan pluriannuel ne sont pas tenues, on arrive même dans des années de suppression de postes. Donc ça aussi, ça a fait un petit peu mal et ça a peut-être atteint la confiance que les jeunes pouvaient faire dans l'institution quand elle leur dit « Venez, tout se passera bien ». Et à nouveau là, le nouveau gouvernement a promis de créer 60 000 postes dans le quinquennat. Nous allons en parler avec deux représentants du SNES, le syndicat majoritaire dans le second degré, Daniel Lemoël et Joël Cogny, bonjour. Bonjour. Et nous sommes aussi avec le proviseur de ce collège-lycée David d'Angers. Bonjour et merci de nous accueillir pour cette émission spéciale. Bonjour. Alors est-ce que ce matin vous avez tous les profs ? Est-ce que toutes les classes ont un prof ? Alors ce matin, on ne va pas encore le voir, je peux vous parler de la théorie. Ce matin, ce sont les professeurs principaux qui sont à l'œuvre. Et actuellement, au moment où vous parlez, il y a 126 élèves de 6e qui sont accueillis du côté collège et il y a 280 élèves de 1e qui sont en train de découvrir le conditionnement de leur vie à travers l'emploi du temps et surtout la vérification de contrats pédagogiques qu'ils ont signés au travers de leur inscription, est-il honoré ou pas. En ce qui concerne la théorie des professeurs, enfin la théorie de l'affectation... Est-ce que pour cette rentrée, voilà, vous avez des titulaires pour tous les postes? Ah, c'est une question, je la poserai pas comme ça parce qu'on ne va pas avoir assez de temps. Donc je dirais que vous parlez du statut. Il y a un poste, tous les postes sont pourvus. La qualification des personnels est un peu différente, peut être différente. On a des contractuels, des titulaires, des postes partagés. Enfin, bon, c'est la mosaïque de l'éducation nationale, quelques vacataires. Et puis surtout, ce que je peux dire à ce moment, c'est que on a 9h, un demi-poste que nous devons partager avec le lycée Jean Bodin, notre voisin, en SES qui n'est toujours pas pourvu. Sciences économiques et sociales. Je sais par mon collègue qui les a vus hier qu'il y a deux personnes qui ont été sollicitées, qui sont des contractuels. Ils sont sollicités, ils viennent de Nantes. Bon, le rapport du temps passé en transport, etc., fait que jusqu'à présent, c'était difficile pour eux de dire oui. On a donc personne. Et au collège, jusqu'à J-5, nous n'avions pas tout le monde, avec une petite difficulté pour établir, malgré la diligence des services du rectorat, pour établir les emplois du temps, parce que c'était un professeur de techno, de technologie en poste partagé. Il faut savoir que la technologie, pour des raisons de groupe, est en techniquement à placer dans des barrettes, tressées dans l'emploi du temps, qui sont les fondations. Et on avait tous nos personnels à J-5, et là, hier, on a découvert que un remplacement. Alors, ce n'est pas une nomination initiale. On a une collègue qui est partie en congé de maladie, enfin de longue maladie. Son remplacement était assuré. Il ne l'est plus depuis quelques heures. Donc, il y a quelques cases vides, quoi. Encore. Donc, en tout, sur l'ensemble des heures qui sont, on va dire, les 1700 heures de face-à-face qui sont à assurer sur le site, il nous manque 18 heures. On a l'impression qu'on entend souvent ça, on manque de profs, quelle que soit la politique qui est menée. Est-ce que l'éducation nationale, ce n'est qu'une question de poste? Je vous pose la question à vous, représentants du SNES. Alors, bien évidemment, oui, bien évidemment, le fait pour cette rentrée de se retrouver avec certaines classes sans enseignants, c'est un vrai problème qui est dû à cette crise de recrutement qui est réelle et visible. C'est pire que les autres années. C'est pas un discours qu'on entend quand même tous les ans. C'est-à-dire que depuis deux ans, on se retrouve quand même avec des concours. Où il n'y a pas suffisamment de lauréats du concours. Donc on a 15% des postes qui sont non pourvus. Ce qui veut dire qu'il y a forcément des classes qui se retrouvent sans enseignants. Alors bien sûr, il y a eu pendant les vacances d'été des recherches de solutions auprès du rectorat pour trouver ce qu'on appelle des blocs de moyens provisoires, parce qu'il y a aussi la décharge de 3 heures qui est accordée aux stagiaires. Qu'il a fallu aussi combler. Un temps, pardon, que les stagiaires vont utiliser pour se former. On peut parler de la formation de première année. On repart sur autre chose. Les stagiaires de cette année ont 3 heures de décharge pour qu'ils puissent avoir ce qu'on pourrait appeler une formation, mais qui n'est pas vraiment une formation. Voilà. Ces 3 heures-là, elles n'étaient pas prévues au départ. Donc, il faut bien que dans certains établissements, on puisse trouver ces 3 heures-là, sachant qu'il y a déjà des collègues qui sont en heures supplémentaires, donc à qui on ne va pas pouvoir demander de faire ces heures-là. Donc, il faut trouver des collègues qui viennent d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément possible puisque le pool de titulaires remplaçants est déjà vide. Donc on n'a pas de solution. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un emploi de collègues précaires, des contractuels. Qui ont le niveau pour enseigner? Qui ont le niveau, sachant qu'enseigner, c'est un métier qui s'apprend. Hein. Donc c'est bien pour ça que ça pose problème sur cette formation des maîtres. Daniel Lemoël, pourquoi le métier attire moins en ce moment? Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de problèmes. En l'occurrence, s'il y avait des recrutements pluriannuels, on pourrait effectivement voir des gens qui puissent se projeter un petit peu dans l'avenir. C'est-à-dire que quand on est étudiant, c'est bien, mais c'est bien de se projeter dans l'avenir, de pouvoir prévoir ses formations dans ce domaine. Mais c'est quoi? C'est un problème d'image? Le métier ne séduit plus? C'est un problème financier, tout simplement? On estime qu'un prof ne gagne pas assez? Ou on parle un peu trop des établissements à problème, ce qui fait qu'on se dit c'est très difficile, on va se retrouver face à des élèves complètement indisciplinés? C'est un peu tout ça? Il y a effectivement un petit peu tout ça qui intervient. La revalorisation du métier, c'est évident. Quand on voit qu'on doit être juste avant la Grèce, si j'ai bonne mémoire, quand l'OCDE fait ses calculs, on se retrouve juste avant la Grèce au niveau des salaires. Grosso modo, la moitié moins qu'un enseignant allemand. Je crois 15% de moins que la moyenne de l'OCDE. Donc effectivement, ça peut être un vrai problème. C'est un vrai problème. Ensuite, il est clair que le type de recrutement actuellement qui est proposé, à savoir que les étudiants sont très souvent aussi travailleurs à côté, ils ont donc des difficultés et il serait peut-être intéressant de leur proposer un contrat à partir de la licence, enfin en L3, donc avant leur master, de manière à ce qu'ils puissent toucher une rémunération. Alors il y a quelque chose qui a été proposé. Vincent Payon, le ministre de l'Éducation nationale, vient de faire une annonce en ce sens. Avec 900 euros, sauf que ce sera toujours des gens qui vont travailler en même temps, puisqu'ils seront obligés d'assurer des tâches de périéducatives. Donc c'est pas forcément une bonne solution, puisque ça ne les mobilisera pas complètement pour leurs études. Bon, on pourrait très bien imaginer un contrat qui engage l'étudiant et l'État, où l'étudiant serait dans l'obligation de fournir un certain temps, ce qui a été proposé il y a plusieurs années de ça. et ou alors des écoles de formation pure et où il y aurait effectivement un recrutement après la licence, donc après en L3, où il pourrait y avoir effectivement ce type de recrutement. Et ce que l'éducation nationale faisait après la Deuxième Guerre mondiale, au début des 30 Glorieuses, avec un dispositif qui s'appelait les IPES. C'est assez amusant parce que les IPES, j'ai téléphoné un jour au ministère de l'Éducation nationale pour savoir ce que le sigle signifiait, et tout ça s'est noyé dans l'absence de mémoire. C'est l'Institut de préparation de l'enseignement secondaire. Exactement. Et on s'engageait contre une bourse, on s'engageait à enseigner au minimum 5 ans, si mes souvenirs sont bons. 5 à 10 ans. Voilà. Je crois que c'était 10 ans. Et ça a été un vrai instrument de promotion sociale aussi pour un certain nombre de jeunes dont on ne pouvait pas se financer des études longues pour devenir enseignant. Si on remonte un peu dans le temps, les instituteurs ont été recrutés au niveau... je crois que c'était brevet, quelque chose comme ça, les tout premiers. Ensuite, ils ont été recrutés au niveau du bac, où ils étaient formés pendant 2 ans, si ma mémoire est correcte. Et ça permettait d'avoir un vivier important et des gens qui étaient très motivés pour enseigner. François Hollande s'est engagé à recruter 60 000 personnes. Alors, il n'y aura pas que des enseignants. Pour les recruter, ça veut dire qu'on va ouvrir les vannes des concours et qu'on aura des profs au rabais ? Je vous vois sourire, Joël Cogny. Oui, il faut faire le sous-titrage comme on est à la radio. Ça va être très compliqué d'arriver à 60 000 postes rapidement, en effet. C'est pourquoi il faut vraiment penser à mettre en place ce pré-recrutement en L3, donc en troisième année de fac, pour pouvoir aussi redonner un petit peu envie à ces étudiants qui sont inquiets sur le métier. Mais sur le niveau des professeurs qui seront recrutés. Alors sur le niveau, là, la formation est donc bien sûr toujours à améliorer, et ne serait-ce que par exemple pour l'année en master 1, en master 2, où ils ont des stages obligatoires ou non obligatoires au cours de l'année en établissement scolaire. Emmanuel Davidenkoff. Jean-Marie Boucher, proviseur de ce lycée. Vous connaissez bien tout ça. Vous n'avez pas toujours été proviseur. Vous avez été instit. Vous êtes passé par l'école normale dans les années 70. Normale, elle était départementale, école normale à 8h. Vous pensez alors l'idée de revenir à tous ces systèmes ? M. Lemoyle parlait justement de cet engagement décennal que j'ai signé, moi. J'ai signé un engagement décennal. J'ai été recruté, déjà une charnière. J'ai été recruté dans un concours qui était au niveau de la 3e. Donc j'étais interne, seconde, première terminale. J'ai connu 69, le bac et la réforme de Faure, Edgar Faure, du bac, et qui ensuite nous a proposé 2 années de formation professionnelle. Mais on avait un engagement décennal. Et alors c'était un bon système ? Vous pensez qu'il faudrait retourner dans cette direction ? Alors, je pense que oui. Parce que, oui, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce que ça garantit une espèce de tranquillité économique pour l'étudiant qui est à ses études. Après, il faudrait qu'on parle aussi dans le recrutement du filtre que représentent les concours. Et il ça, faut c'est changer un autre... les concours ? Je suis trop petit dans le système pour le dire. J'ai le sentiment que oui. Je prenais un exemple, un parallèle qui, bien sûr, est un peu choquant pour l'éducation nationale, mais je regarde le problème de l'armée qui recrute ses pilotes. Ça coûte fort cher de former un pilote. Donc, on met en avant des filtres. Ce n'est pas un concours, ce sont des filtres, des tests, des tests psychotechniques qui permettent de savoir. Les gens sont motivés, ils se présentent. Alors, je ne dis pas qu'il faille calquer le système, mais je pense qu'il y a actuellement une tonalité sur les concours qui fait la part trop importante au savoir, aux connaissances, à l'articulation des connaissances sur l'écrit. Et le reste, il faut savoir quand même que l'enseignant, il enseigne ce qu'il est. Un peu plus de pratique. Vous savez, les contractuels, tous les gens ont-ils le niveau ? Il y a un fantastique effet amortisseur par la qualité des personnes qui viennent. Ça ne justifie pas le fait qu'on soit dans la précarité et les contractuels, mais il faudrait avoir d'autres filtres. Je ne sais pas lesquels proposer. Merci beaucoup Jean-Marie Boucher. Vous êtes le proviseur de ce collège-lycée David d'Angers.